Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Du point de vue des luttes antiracistes, un des faits marquants des années 2005-2006 est que l'idée de construire un mouvement politique autonome devient centrale pour l'immigration. En 2005, c'est le MIR qui se constitue en mouvement autonome antiraciste postcolonial. Et en 2006, ce sont Agora, le MIB, Tactique Collectif qui lancent l'idée d'un mouvement politique autonome des banlieues. Et pour ça, ils ont le projet d'organiser un forum social des quartiers populaires comme une étape vers la construction de ce mouvement. Avant de reprendre le fil de cette actualité en revenant sur les moments marquants de 2007, il me semblait nécessaire de s'attarder rapidement sur ce que signifie l'autonomie quand on est militant de l'immigration. Et cette définition est extraite du texte « Nos alliés, le progressisme et nos fractures » qui est disponible à décoloniser.org, un texte où je pars d'une expérience d'organisation collective pour définir comment la question de l'autonomie se pose concrètement pour des luttes. Alors l'autonomie, c'est d'abord l'autonomie financière et matérielle. Ça veut dire que lutter coûte davantage que ça ne rapporte. L'engagement est personnel et les retombées sont collectives, soit pour une organisation, pour une lutte précise, pour une famille, une cause, un projet, peu importe. En tout cas, lutter n'apporte aucune gratification, ni job, ni argent, ni avantage matériel, ni local, ni subvention d'association ou d'université ou encore de laboratoire, ni passe-droit. Ça veut dire que quiconque a obtenu une de ces choses en échange de sa lutte n'est pas autonome. Pour prendre un exemple, si la mairie prête un local à une association, le jour où la mairie commet une injustice, l'association va rester silencieuse de peur de perdre le local. Ou bien tel auteur va éviter de prendre position sur une question qui est clivante parce qu'il aura peur de perdre le public qui achète ses livres. Donc on perd son autonomie dès lors que les avantages qu'on reçoit vont peser sur nos choix. Ensuite, l'autonomie est théorique. Nous, militants de l'antiracisme politique, nous ne citons pas Lénine pour décrire notre condition. Au contraire, on produit, on essaie de construire un corpus théorique qui peut être formulé dans une langue académique ou dans le langage familier, ça peu importe. Une chose est sûre, sans ça, toute nouvelle initiative sera réduite à l'épuiser dans des théories politiques qui ont été inventées pour résoudre des problèmes qui se sont posés à d'autres catégories de population et pas aux non-blancs. Et d'ailleurs, pour certains, produire théoriquement est la pire de nos fautes. Et c'est peut-être parce que la théorie est l'instrument qui va nous autonomiser d'une forme de dépendance au cadre intellectuel occidental. Donc étonnamment, beaucoup de ceux qui dénoncent l'intellectualisme de nos milieux, eux-mêmes vont aller s'essayer à la théorisation à l'université ou dans le monde militant, ils vont devenir politologues, sociologues, historiens. Donc ces procès en intellectualisme contre l'antiracisme politique sont souvent malhonnêtes et viennent d'adversaires politiques qui, en réalité, se distinguent de nous sur la question de l'autonomie. Autre manière dont se décline l'autonomie, c'est vis-à-vis du pouvoir médiatique. Pour ça, pour être autonome, il suffit de ne pas se faire mettre en récit par d'autres, par des tiers qui vont raconter l'histoire à leur sauce à partir de quelques éléments qu'on leur aura donnés. Et les gens de l'antiracisme politique créent des médias, créent des sites, publient sous des formats très variés. Ça permet de contrôler ce qui est dit et les traces qui sont laissées. Ensuite, une autonomie très importante, c'est celle vis-à-vis des forces politiques, et particulièrement de la gauche blanche, mais quand on est dans une lutte locale, ça peut tout à fait concerner toutes les tendances. Cette autonomie vis-à-vis des forces politiques est celle qui vaut le plus de friction entre les autonomes et le mouvement social. Parce que, à cause de cette autonomie, les organisations traditionnelles ne peuvent pas nous utiliser ni nous instrumentaliser. Et c'est vraiment important d'avoir toutes ces notions en tête parce que 2007, c'est une année présidentielle où toutes ces questions vont se poser très concrètement. Et l'année commence quand le mouvement des indigènes de la République, le 20 janvier, évoque les élections présidentielles en posant la question dans quelle mesure est-ce qu'elles nous concernent ces élections, ça parle de nous. Mais les revendications qu'on porte tout au long de l'année n'ont pas leur place dans ces campagnes. L'islamophobie, la Palestine, l'impérialisme, les violences policières, le Congo, la justice à deux vitesses, les discriminations structurelles, etc. Tout ça n'existe pas dans les campagnes présidentielles. Donc ça veut dire que si on participe à cette élection, il faut avoir renoncé à parler de tout ça. Ensuite, une large proportion des gens qui sont issus de la colonisation, qui vivent en France, sont privés du droit de vote, parce qu'ils sont sans papier, parce qu'ils sont résidents étrangers non européens, parce qu'ils sont détenus. Et le MIR dit « Nous ne sommes qu'un prétexte aux batailles que se livrent les droites et les gauches. Nous qui ne sommes ni à droite ni à gauche, nous ne sommes concernés que dans le cadre d'un vote utile. » Mais on se souvient très précisément que le vote utile pour Chirac a été suivi d'un des mandats les plus hardcore pour l'immigration et les banlieues. Donc on voit bien que ce vote utile, il ne garantit aucunement que notre dignité sera préservée. Donc partant de tous ces constats, est-ce qu'on doit rester dans la position de celui qui va se vendre au plus offrant, ou est-ce qu'on doit prendre le parti de nous-mêmes, s'organiser nous-mêmes, en arrêtant d'espérer d'autres organisations qu'elles nous prennent en compte ? Et la question a le mérite d'être posée. En le faisant, le mouvement des indigènes dissuade toute organisation d'imaginer qu'ils vont donner une consigne de vote. Au même moment aux États-Unis, c'est l'apparition début 2007 de Barack Obama dans la campagne américaine. Il apparaît dans le paysage politique national américain comme le potentiel futur premier président noir américain. À ce moment-là, on est en fin de mandat de Bush fils et le Monde, le quotidien Le Monde, nous dit que Obama transcende l'aspect racial. Plus qu'afro-américain, il est africain et américain. Et on retrouve là, évidemment, la fonction habituelle du métis d'incarner une société post-raciale. Et Obama a évidemment un profil intéressant pour les États-Unis, puisque son lien avec l'Afrique est quasi nul. Il a reçu une éducation blanche, et donc ses loyautés vont au monde blanc, naturellement, culturellement. Et enfin, son lien avec le monde noir américain est quasi nul. Il n'a notamment pas hérité de la mémoire noire de l'esclavage. Et au moment où l'Obama mania va se développer grâce au storytelling et à l'utilisation stratégique des réseaux sociaux, on voit que les médias français, dans leur ensemble, sont très enthousiasmés par ce candidat. Début janvier, c'est aussi la naissance des Indivisibles. C'est une association qui a été créée notamment par Rokhaya Diallo. Et cette association a pour objet de promouvoir la diversité culturelle et l'égalité des chances, la citoyenneté à travers le vivre ensemble et le respect. Elle veut aussi dénoncer, lutter contre les discriminations, et puis organiser des événements, des manifestations, organiser un réseau aussi de parrainage. Rokhaya Diallo dit qu'elle en avait assez, qu'on la considère avant tout comme une noire, et elle crée cette initiative citoyenne pour déconstruire les préjugés, avec des slogans qu'ils ont inventés, comme par exemple « Français sans commentaire ». Elle veut éviter à d'autres d'être catalogués contre leur gré, par des étiquettes comme noir, arabe, asiatique. Et les Indivisibles vont rédiger une charte disant que blanc, arabe, asiatique, noir sont considérés comme des catégories sociopolitiques construites par l'histoire, mais que ce ne sont pas de véritables appartenances ethniques. Ils utilisent aussi un ton humoristique pour passer leur message, beaucoup de cartoons, et ils envisagent à cette époque créer des awards qui vont distinguer les auteurs de clichés et préjugés dans la publicité et dans les médias. Alors justement, parlant d'autonomie, c'est l'occasion de parler du programme Young Leaders de l'ambassade américaine, qui est un programme qui pratique le soft power. Le soft power, c'est la manière dont un État va tenter d'influencer, d'orienter les relations internationales en sa faveur, en utilisant des moyens doux, c'est-à-dire autres que coercitifs. Donc il faut bien comprendre qu'à cette période-là, les questions de race aux États-Unis, c'est un terrain d'affrontement politique très intense, et ce terrain est déchiré par les mêmes questions que nous. Autodétermination, impérialisme, colonialisme, deux poids, deux mesures, politique génocidaire intra et hors États-Unis, Palestine. Or, une des raisons d'être de ce podcast, ici, c'est de décrire comment ce qu'on appelle antiracisme et qu'on imagine à tort comme homogène est en réalité composé de plein d'entités tout à fait différentes. Il y a des antiracistes qui collaborent avec le pouvoir, il y a des antiracistes qui servent la soupe à la gauche, d'autres qui restent sur le terrain des préjugés et ne parlent jamais de Palestine, d'autres pour qui toute lutte doit se positionner vis-à-vis de la Palestine, d'autres encore qui ne parlent que de banlieue et de questions sociales, d'autres qui se considèrent d'abord comme féministes, et puis d'autres qui pensent que le racisme que subit leur communauté est lié à celui que les autres communautés subissent. Donc c'est vraiment un champ qui est très divers. Et si on n'a pas conscience de cette diversité, politiquement, ça devient illisible. Or, on peut en dire autant des États-Unis. ADOS n'est pas AOC, AOC n'est pas le camp anti-impérialiste, ce n'est pas non plus le socialisme africain, ce n'est pas non plus le féminisme noir, ce n'est pas Umar Johnson, ce n'est pas non plus le camp afrocentriste, ni celui afrocentré, et ce n'est pas non plus Black Lives Matter. Tout ça, ce sont des entités perçu à tort comme faisant partie d'un ensemble, les Noirs en lutte, qui en réalité n'est absolument pas homogène et à l'intérieur duquel il y a des rapports de force. Donc aux États-Unis comme ici, certains de ces courants politiques vont être réprimés, criminalisés. D'autres vont être mis en avant, promus leaders par le monde mainstream parce qu'ils ne mettent pas en danger les intérêts américains. Ce sont en général ceux qui ne parleront pas d'Irak, qui ne parleront pas d'Afghanistan, ni d'interventionnisme américain, ni de Palestine. Ainsi, c'est le cas des Black Lives Matter, une lutte esthétisante qui victimise les Noirs sur le modèle de la lutte sioniste contre l'antisémitisme. Eux, leur discours, c'est que les Noirs sont ceux qui ont le plus souffert, donc ça génère une concurrence avec les Asiatiques en lutte, avec les Latinos en lutte, les Amérindiens en lutte, les Musulmans en lutte. Et c'est tout à fait la démarche inverse de celle du Black Panther Party qui, lui, s'appliquait à construire des alliances, parce que seules ces alliances mettent en danger le racisme américain. Et donc dans cette perspective de favoriser des minorités qui ne mettent pas en danger leurs intérêts, les États-Unis vont promouvoir des leaders des minorités, dans leur pays évidemment, mais aussi dans les pays alliés. Pour ça, ils vont installer la French American Foundation, avec un bureau américain et un bureau parisien. Et le rôle de cette fondation est donc de pratiquer le soft power. Les USA, avec cette fondation, veulent faire du renseignement sur la société civile. Pour ça, ils ont plusieurs programmes. Le International Visitor Leadership, depuis 1940, qui concerne plutôt les futurs chefs de file dans des secteurs comme le gouvernement, l'administration, les médias, l'éducation, les arts, le monde des affaires et d'autres secteurs clés. Il y a aussi Young Leaders, qui à partir de 1989 suit le même but. Et d'ailleurs, Young Leaders, à partir de 2001, va être réorienté vers le monde musulman, rapport aux attentats et rapport à Durban. Et puis, depuis 2012, il y a aussi le programme Jeune Espoir, qui est une manière de prendre en main la jeunesse pour qu'elle ne tourne pas en ennemi de l'Amérique. Or, pour tout anti-impérialiste qui se respecte, l'État américain est un adversaire principal. Donc dresser les jeunes générations à prendre modèle sur l'Amérique, c'est stratégiquement plutôt malin. Et puis en 2007, les États-Unis préparent l'élection d'Obama. Ils exportent ce modèle, le modèle de la suprématie blanche à visage noir. Donc après la révolte des banlieues, ils vont être très présents les Américains. Ils vont faire venir beaucoup de lycéens de quartier pour en faire des leaders. Le programme Young Leaders va investir 3 millions par an en 2007. Et puis Soros, avec son Open Society, va investir aussi dans le même but. Et ils savent que l'Amérique exerce une fascination sur une jeunesse d'origine immigrée qui politiquement peut être parfois déboussolée. C'est ainsi qu'ils vont faire venir Samuel Jackson à Bondy ou bien organiser une garden party le 4 juillet. Et à Toulouse, je peux témoigner du fait que l'ambassade a aussi été très active dans la période post-2005. Et ces programmes ont bénéficié à plusieurs personnalités politiques qui sont allées aux États-Unis en début de carrière invitées par l'ambassade. Alors je vous spoil tout de suite, Sadri Khairi n'a pas été invité. En revanche, Ladji Real, auteur et réalisateur, l'a été. Il a accepté l'invitation, comme Reda Didi, présidente du think tank Graines de France, Almami Kanouté, aussi fondateur du parti Émergence, Doga Dogui, conseiller en gestion de la diversité, ancien membre de l'UMP et fondateur d'Africa Agora, Écho de la rumeur aussi, Rokhaya Diallo, Faisal Douhan, Eric Schirmacher de l'association Ville des musiques du monde. Alors lui a fait visiter la Nouvelle-Orléans en pleine gentrification post-Katrina. Il est revenu avec un chèque de 25 000 dollars pour son projet. Stéphane Gatignon aussi, maire de Sevran entre 2001 et 2018. Aujourd'hui, il travaille dans le conseil privé. Amirou Chlaidi, le président des clubs Averroès et adjoint au maire UNP de Suresnes. Stéphane Pocrin, l'ex-porte-parole des Verts. Stéphane Lozès aussi, du CRAN. Sihem Habchi, de Ni Pute Ni Soumise. Karim Zeribi, du Parlement des banlieues et l'UPS à Marseille à l'époque. Mohamed Hamidi, du Bondi Blog. Aziz Seni, de Mantes-la-Jolie. Ali Zahi, directeur du cabinet du maire PS de Clichy-sous-Bois. Saïd Hamouche, directeur de Mosaïque RH, qui est un cabinet de recrutement qui promeut la diversité. Des membres aussi de l'équipe de campagne de José Bové, mais aussi Najet Asmi, une militante PS, et Medjine Kou, un travailleur social de Toulouse, Éric Fassin, Laurent Geoffrin, Najat Vallaud-Belkacem, Jeannette Bougrabe, Fleur Pellerin, Édouard Philippe, etc. Enfin, il y en a énormément. Le lien est en référence du podcast, vous pourrez aller regarder un peu qui a voyagé aux frais de l'ambassade américaine. Parce que concrètement, donc, ça consiste à leur payer le voyage et à leur organiser des tas de rendez-vous. Et plus tard, la fondation Obama va mener le même type d'action en invitant des leaders civiques du monde entier pour former la relève. Ainsi, Rokhaya Diallo avait participé à cet événement en 2017. Alors, nos adversaires comme Égalité, Réconciliation ou bien l'extrême droite dénoncent l'américanisation des nouveaux antiracistes. Le fait d'avoir participé à ces voyages ne fait pas de ces antiracistes nos ennemis. Il faut cependant avoir connaissance de ces informations qui peuvent être un indicateur de leur autonomie. Alors pour le coup, ces participations de Rokhaya Diallo ne l'empêchent pas d'avoir participé au Bandung du Nord aux côtés de Fred Hampton Jr., donc elle garde une liberté et une marge de manœuvre. Mais ce que nous n'avons pas en commun, au moins, c'est ça. C'est de voir en l'Amérique un adversaire important. Et ceux qui ont participé à ça, nous pouvons les rejoindre ponctuellement sur des actions, ils ne sont pas nos ennemis, mais nous divergeons au moins sur ce rapport à l'Amérique. Le 1er février, José Bové annonce qu'il sera candidat de la gauche antilibérale. La gauche échoue à faire alliance et Olivier Besancenot part pour le NPA, Marie-Georges Buffet pour le PCF, et cette dernière reproche à José Bové d'être la candidature de trop. Mais comme Bové est très populaire dans le mouvement social à l'époque, il n'a pas envie de laisser passer sa chance. Il annonce sa candidature lors d'une conférence de presse à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Il dit qu'il est temps de décréter l'insurrection électorale contre le libéralisme économique et il veut être le porte-voix des sans-voix et incarner la volonté commune de battre la droite et l'extrême droite et de redonner l'espoir d'une alternative à gauche. Avec plus de 35 000 signatures de la pétition unie avec José Bové et 200 promesses de parrainage, José Bové dit qu'il est assuré de répondre à une forte demande de la population. Dans ses porte-paroles de campagne, on retrouve le député de Seine-Saint-Denis, Patrick Braouzec, des élus d'Île-de-France comme Francine Bavet et Claire Villiers, le président de Copernic Yves Salès, l'altermondialiste Raoul-Marc Génard, les représentants du collectif banlieue Nordinis Nasni et Omeya Sedik du MIB, qui vont d'ailleurs porter la dimension des quartiers populaires des discriminations dans la campagne. Ils se sont rapprochés de José Bové dans le Larzac, mais Nordinis Nasni considère aussi que José Bové a fait un pas vers eux. Il remarque que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il dit « On s'est croisés sur plusieurs histoires, il a fait des démarches par rapport à nous que les gens en face de lui n'ont jamais faites de leur vie. » En 2003, il est venu manifester à Nîmes où un jeune avait été tué par un gendarme. En 2004, il est venu au Petit Bar à Montpellier où des familles dont l'immeuble avait brûlé occupaient le gymnase. Et la prise de position de Bové contre la loi interdisant le port du voile islamique à l'école et sa visite au QG d'Yasser Arafat à Ramallah, alors assiégé par l'armée israélienne, l'ont rendu populaire. Donc Nordinis Nasni dit « ça joue », mais il n'y a pas que ça, c'est aussi quelqu'un qui incarne une autre manière de faire la politique. Et en décembre 2006, José Bové a recruté cette équipe de campagne avec un CDD de 2 mois. Et ce collectif banlieue se constitue comme une entité banlieue et immigration. Un membre de la campagne explique que le point commun entre ces militants, c'est qu'ils sont majoritairement arabes ou noirs. Ils se sont croisés dans des mobilisations diverses depuis 20 ans, comme la Marche des Beurs en 83. Et ils sont extrêmement méfiants vis-à-vis du politique et de tout ce qui pourrait remettre en cause l'autonomie de leur engagement. Et Nordinis Nasni dit « C'est la première fois que je vais me mouiller dans un truc comme ça au niveau présidentiel. Parmi nos revendications, il y a la lutte contre l'apartheid urbain, la xénophobie, le négationnisme historique et culturel, la discrimination, les différentes expressions du racisme dont l'islamophobie et la négrophobie, des sanctions fortes contre les violences policières, l'abrogation des lois durcissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, le droit à l'autodétermination des dom-toms et la lutte contre toute forme d'impérialisme. » Toujours en février, l'association A Cessez le Feu reçoit Ségolène Royal à Clichy-sous-Bois pour lui faire signer leur contrat. Puisque, à 3 mois de la présidentielle, le collectif de Clichy-sous-Bois rencontre plusieurs responsables politiques avec leur contrat social et citoyen, qui est une synthèse des 20 000 doléances qu'ils ont recueillies tout au long de 2006 auprès des habitants de 120 communes visitées, et ils l'ont fait sur le modèle des registres qui répertoriaient les desiderata des citoyens en 1789. À Cessez le Feu les font signer ce contrat par les candidats Royal, Bayrou, Buffet et Besancenot. Sarkozy, en revanche, a refusé de les recevoir. Dans ce contrat, il y a par exemple la demande d'une plateforme d'accueil des jeunes déscolarisés, où les jeunes recevraient en 2 ans une formation, un permis de conduire et un brevet de secourisme. Il propose aussi une campagne d'information contre les discriminations, comme il en existe sur la sécurité routière, et puis la création d'une commission pour aboutir à de vrais procès. Il demande l'autonomie de l'IGS, la police des polices, l'inéligibilité pour les maires qui ne respectent pas les 20% de logements sociaux, et les dépenses de logement plafonnées à 20% des revenus pour les ménages modestes. Et au mois de mars, il prévoit un nouveau tour de France, cette fois pour inciter les jeunes à voter pour les candidats qui ont signé leur contrat. Donc c'est vrai qu'on a débuté cet épisode en parlant d'autonomie. Bon, on va dire que là, on s'est très très éloigné de ce que pourrait être un niveau d'autonomie idéal. La particularité de cette campagne présidentielle 2007, c'est qu'elle va donner beaucoup de place au storytelling. Le storytelling, Christian Salmon a écrit un livre sur le sujet cette année-là qui s'appelle « Storytelling, une machine à fabriquer des histoires et formater les esprits ». Il montre comment les deux principaux candidats, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, se sont surtout affrontés pendant cette campagne sur le terrain de leurs histoires personnelles et de leur auto-mythification plutôt que sur le terrain des idées. Or, selon lui, le storytelling, c'est plutôt une manière de travailler son image, d'aller stimuler les émotions et les identifications plutôt que de mettre en avant un projet politique où là, le projet politique devient totalement secondaire. Et Sarkozy, il est vraiment spécialiste de ça. C'est quelqu'un qui adore s'emparer de faits divers, par exemple, dont il va tirer une règle générale qui justifie de voter une loi. C'est un homme qui est dans la réaction, dans l'instantané, qui veut montrer qu'il rompt avec les pratiques politiques habituelles et qui a aussi réussi à être élu cette année-là en stimulant le sentiment victimaire des petits blancs qui étaient persuadés qu'en France, il n'y en avait que pour les banlieues. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans le rationnel s'il a réussi à convaincre ses électeurs de ça. Puis au mois de mars, il y a un monde fou au palais de justice de Paris pour assister au procès de Charlie pour les caricatures du prophète. Donc le motto de ces tartuffes, c'est « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ». Sarkozy les soutient, mais aussi Hollande, Bayrou, Forest. Les plaignants demandaient la reconnaissance du délit d'injure publique à l'égard d'un groupe de personnes, en l'occurrence les musulmans, à raison de leur religion. Ils considèrent que ces publications cherchaient à heurter la communauté musulmane dans ses croyances les plus profondes. Il y avait aussi des considérations commerciales derrière la démarche de Charlie et évidemment une islamophobie caractérisée. Ils n'ont pas gagné, la justice a considéré que personne n'était obligé d'acheter ce journal et qu'ils ont exercé leur liberté d'expression puisque le journal est satirique et utilise la forme parodique et que la couverture ne visait que les intégristes, pas les musulmans, eh bien Charlie n'a pas été condamné. L'UOIF a dénoncé un jugement politique. Quant à Philippe Val et ses soutiens, ils ont considéré que le blasphème n'était pas un crime puisque de toute manière, ces gens contestent que l'islamophobie soit un racisme. Les élections se rapprochent. Le 14 avril, les indigènes de la République organisent un meeting. Ils disent « puisque nous ne pouvons pas participer aux présidentielles faute de candidats qui défendent notre projet politique, eh bien, le MIR va organiser un meeting pour expliquer sa consigne de vote qui est ni pour le PS ni pour les droites ». Tariq Ramadan est présent, il rappelle la démission de la droite et dit que de l'autre côté, la gauche a menti au pouvoir, elle ment aujourd'hui dans l'opposition. Ouria Boutelja déclare « Nous ne voulons pas nous faire avoir par le vote utile parce qu'il se joue à notre détriment. On n'est considéré que comme un réservoir de voix. Nous n'attendons rien de cette élection qui ne nous concerne pas. Et de toute manière, les candidats n'ont abordé aucun sujet nous concernant comme la fracture raciale. » Les participants appellent ensuite à la marche du 8 mai pour commémorer tous les massacres coloniaux et protester contre la politique néocoloniale de la République. Ils scandent « Le résultat de la présidentielle, nous le connaissons. Plus de racisme, plus de mépris, plus de misère et de répression. » C'est donc Nicolas Sarkozy qui remporte l'élection sans surprise. Il met en place un ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui est une manière d'assumer totalement que la France est une nation blanche, chrétienne, où il y a les blancs véritables français et les descendants de colonisés français de papier. Évidemment, il commence par resserrer les conditions exigées pour le regroupement familial, imposant notamment la maîtrise du français et l'engagement pour les nouveaux arrivants de respecter les lois et valeurs de la République. Mais son ministère, c'est une provocation vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des territoires d'outre-mer, des banlieues, puisque en mêlant immigration et identité nationale, il reconnaît que les deux sont dépendants. Et dans le même temps, il promeut des noms blancs pour porter son projet raciste. Il y en a plusieurs dans son gouvernement, comme notamment Rachida Dati au poste de garde des Sceaux. Beaucoup s'en réjouissent, étonnamment, et ils y voient le signe de notre intégration. Puis en juin, le 22 juin, c'est le début du Forum social des quartiers populaires, initié par Diversité de Lyon, le mouvement de l'immigration et des banlieues de Paris, et en tant qu'outil politique au service du tactique collectif motivé. De nombreuses organisations de l'immigration soutiennent et y participent, la TMF, le MIR, FTCR, CMF, etc. Et l'ambition est d'organiser la prise de parole, de dégager un espace d'expression politique, mais surtout de faire émerger au niveau national un mouvement social, culturel, politique qui parle des quartiers populaires. C'est Tariq Kaoutari qui déclare à la presse « Nous voulons créer au niveau national un mouvement social, culturel, politiques issus des quartiers et qui parlent des quartiers. Il y a aussi que la campagne électorale a mis l'insécurité au premier plan des préoccupations supposées des Français. Donc les organisateurs veulent faire de la question des banlieues une question politique à part entière, puisque à leur manière, droite et extrême droite en font une question centrale. Un organisateur dira même que la question des quartiers est universelle dans le sens où toutes les questions qui intéressent la société s'y jouent de manière extrême, donc si on les règle depuis les quartiers, tout le monde peut s'y retrouver. En tout cas, pour eux, il n'y a rien qui soit vraiment spécifique aux quartiers populaires. Derrière, il y a donc surtout l'idée de construire une force politique, parce qu'ils ne veulent plus déléguer la représentation à des acteurs qui ne représentent pas les quartiers. Dans ce forum, les thématiques débattues sont l'apartheid urbain, l'éducation au rabais, police-justice, l'engagement politique et social, le chômage et la précarité, les anciens dans la cité, l'histoire et la mémoire, les musulmans entre criminalisation et engagement dans la cité, les cultures des quartiers et la question des femmes est transversale. Le forum a été organisé avec l'aide financière du Conseil régional d'Île-de-France, avec à l'époque aux commandes de Jean-Paul Huchon. Il a aussi bénéficié de toute la logistique bienveillante de la mairie communiste de Saint-Denis. Dans une intervention publique en 2008, Salah Mokran expliquait que pour lui, les classes populaires et les quartiers populaires, sans se confondre totalement, sont la même question. Dans la déclaration finale du FSQP, les organisateurs prévoient à l'automne un rendez-vous national sur les municipales de 2008 pour débattre de l'implication des habitants des quartiers dans cette échéance incontournable. Tarek Kaoutari dit « L'objectif est la construction d'une force politique autonome capable de perturber le consensus antipopulaire dominant. Nous envisageons de présenter dans 15, 20, 30 villes des listes autonomes indépendantes. » Alors il n'est pas dit que tous les participants sont sur la même longueur d'onde. Libération rend compte des échanges houleux pendant le forum et des différences de perspectives politiques. Ils disent que les débats ont été chauds, parfois les participants étaient au bord d'en venir aux mains, et cette difficulté à trouver un terrain d'entente, elle peut s'expliquer par la grande diversité d'associations organisatrices. D'après Libération, ça peut s'expliquer, cette difficulté, par la grande diversité d'organisateurs. Puisqu'il dit, il y a d'un côté le MIB qui depuis une dizaine d'années annonce son entrée en politique sans concrétisation jusque-là, même si à titre individuel certains de ses militants ont fait la campagne de José Bové. Ensuite il y a les indigènes de la République qui campent sur la dénonciation du colonialisme postcolonial de la France et refusent de se situer dans le champ politique. Et puis Libération sent aussi que l'élection de Nicolas Sarkozy a marqué une rupture qui complique le positionnement de tous les acteurs. Pour Foued Imarain du collectif des musulmans de France, ce forum est le révélateur d'une nouvelle expression politique. Il a le sentiment que la société est en train d'évoluer, même si on ne sait pas encore à ce moment-là vers quoi. Et lui, personnellement, a voté Bové au premier tour et Blanc au second, et attend de voir ce que fera le président Sarkozy. Donc on voit bien que tous ces acteurs politiquement sont très différents. Et Sarkozy, justement, au mois de juin, le 25, il organise une conférence internationale sur le Darfour. Au mois de mars de l'année 2007, François Zimmeret, qui est un acteur important des campagnes françaises pour le Darfour, qui est aussi fondateur de l'association SOS Darfour, avait organisé un voyage au Darfour pour Bernard-Henri Lévy, auquel ont également participé Dominique Sopo, Laurent Fabius, Alexis Duclos et Gilles Herzog. C'était l'association américaine Save Darfour qui avait pris en charge les billets et le séjour. Et puis, le 20 mars, tous ces acteurs s'étaient présentés dans un meeting organisé par Urgence Darfour qui réunissait la LICRA, SOS Racisme, le Centre Simon Wiesenthal, l'UEJF, Naïbride France et puis quelques tokens rwandais et soudanais, le classique. Et dans ce meeting, ils appelaient les candidats à la protection des réfugiés au Tchad et en Centrafrique. Ils demandaient aussi la mise en place de corridors humanitaires au Darfour et à saisir la Cour pénale internationale. Nicolas Sarkozy est élu et au mois de juillet, il tient sa promesse et il organise une grande conférence avec la Chine et les USA sur le sujet. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, dont le pays dénonce un génocide dans cette province du Soudan, et puis le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon participent à cette rencontre. En revanche, l'Afrique du Sud et l'Union africaine boycottent. Et puisqu'en 2007, il est normal désormais de différencier les Français de souche des autres, Ourya Boutelja prononce le terme souchien pour se moquer de cette distinction qui différencie des catégories de Français. Alors moi, ce qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société, et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde. Et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances. C'est là qu'on ne connaît pas Lumumba. C'est là qu'on ne connaît pas Nyerere. C'est là qu'on ne connaît pas Ben Barka. Vous comprenez? Donc il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. Donc il faut arrêter sur la conscientisation des gens des quartiers populaires qui sont parfaitement conscients de leur situation objective. Qui sont parfaitement conscients de leur situation objective. Par ailleurs, je voudrais vous contredire quand même tout à l'heure lorsque vous disiez que la nomination de Rachida Dati était une bonne nouvelle. Je crois, moi, que c'est catastrophique. Il n'y a pas que Rachida Dati. Hein, Rachida Dati, Fadel Amara. Alors d'abord, il y a une promotion aux personnes issues d'immigration qui insultent les quartiers populaires et, leur communauté d'origine. Alors Fadel Amara a passé 3 ans depuis, avec Ni Pute Ni Soumise, à stigmatiser les hommes des quartiers populaires. Non pas que je réfute l'idée qu'il soit sexiste, évidemment, puisque le patriarcat est un système qui traverse toute la société. Alors évidemment, les hommes arabes, noirs, musulmans qui sont socialisés en France dans les quartiers populaires, évidemment, sont sexistes au même titre que tous les hommes. Alors une fille comme elle qui a passé son temps à stigmatiser, racialiser la question du sexisme dans les quartiers populaires, aujourd'hui, elle est promue. Elle est promue secrétaire d'État. C'est quand même extraordinaire. Il y a une promotion à l'islamophobie et au racisme. Donc les gens qui sont issus d'immigration et qui crachent littéralement sur les gens, sur leur communauté d'origine, sont promus. Il y a un problème. Alors il y a un problème. Ça n'est pas le cas des deux autres. Ça n'est pas. Alors il est vrai que s'agissant de Rachida Dati, ça n'a pas été son cas. Elle n'a pas fait carrière là-dessus. Mais ça va leur ajouter, parce qu'elle est compétente en tant que magistrate, et c'est très bien, ça va leur ajouter, c'est d'être une arabe. De la même manière que Ramayad, ça va leur ajouter, c'est d'être une noire. Or, il se trouve que Sarkozy, qui a un flair extraordinaire, qui a su sentir les mouvements de société, a compris qu'il y avait un problème d'identité chez les populations issues d'immigration, c'est-à-dire qu'il y a une blessure identitaire qu'il faut colmater, si j'ose dire. Donc on la colmate en prenant des mesures symboliques. On nous met une arabe dans un ministère effectivement extraordinaire. Moi, je ne trouve pas ça mal. Non, mais je n'ai pas terminé. Donc, dans un ministère, je veux dire, avec extraordinaire, je veux dire, j'imagine que des militants, je ne sais pas, les devés de gens, etc., doivent vraiment être absolument dégoûtés, alors que ça fait quand même longtemps qu'ils attendent leur tour. Donc, en plus, une promotion extraordinaire, on ne sait pas d'où elle sort. Elle n'a même pas fait ses preuves pendant des années comme d'autres militants de droite. Donc, ça va leur ajouter, c'est bien d'être une arabe. Et il répond à une blessure identitaire. Et là où je trouve que c'est une un tour de passe-passe, un tour de magie extraordinaire, un flair politique, c'est que, par ailleurs, il insinue l'idée que quand on veut, on peut. Or, il n'y a rien de moins vrai. Il n'y a rien de moins vrai, puisqu'il cache, ce faisant, le caractère structurel des discriminations raciales. Donc c'est pas vrai que parce qu'on veut devenir magistrat ou je sais pas quoi, on peut... Non, parce que les quartiers populaires, socialement, je veux dire, mis à l'écart socialement, avec le chômage qui dure depuis des années, c'est pas possible. Ils ne s'en sortiront pas comme ça, c'est pas vrai. Donc c'est une grande fumisterie. Et par ailleurs, je termine juste là-dessus, Ça neutralise des mouvements issus d'immigration dans le sens où on nous dit, vous voyez, Sarkozy, il l'a fait. C'est-à-dire que même, et toi tu dois le savoir, je veux dire, on rencontre plein de gens qui nous disent, finalement, il a été mieux que la gauche, et finalement, Sarkozy, c'est super, clap, clap, clap. Voilà. Et donc ça nous neutralise, nous qui disons, non, il faut lutter contre le caractère structurel du racisme et les problèmes sociaux. Alors, elle n'a pas inventé le terme. Jean-Louis Borloo l'avait déjà utilisé en 2006. En revanche, quand c'est elle qui l'utilise, ça crée une grande indignation puisqu'elle représente, dans le champ politique et médiatique, tous les non-blancs qui n'ont pas été domestiqués et qui existent sans montrer patte blanche, sans respecter les injonctions qui nous sont adressées. Puisque, à cette époque, la porte-parole du MIR est une de nos figures de la dignité dans l'espace médiatique, au même titre que Tariq Ramadan, c'est-à-dire ce sont des gens qui nous représentent dignement. Brice Hortefeux menace de porter plainte, les islamophobes se répandent dans la presse, Finkielkraut est certain qu'elle traite les Blancs de moins que des chiens, alors elle répond à Finkielkraut que underdog, c'est le statut politique du non-blanc qui est considéré comme moins qu'un animal, c'est d'ailleurs ce qu'a raconté le musicien de jazz Charles Mingus dans Moins qu'un chien, une biographie sur sa vie et sur la lutte contre le racisme qu'il a menée tout au long de son existence. Et puis, reprendre à notre compte l'insulte, c'est aussi neutraliser sa charge destructrice. Et ça marche, mais ça va valoir à Rouya Boutelja une bataille judiciaire en représailles, bataille qu'elle gagnera au final. Toujours sur le terrain de la suprématie blanche, cette fois c'est à Dakar. Le président français est à l'université Charentia Diop, il est dans un lieu de science qui a été nommé en hommage à l'historien, l'anthropologue, le chimiste, homme politique, qui a dédié son existence à montrer l'apport de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique noire à la culture mondiale et à la civilisation mondiale. Et Sarkozy, du haut de sa blanchité, vient déclarer devant des étudiants que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. C'est une visite pendant laquelle, avec Bernard Kouchner et Ramayad, Sarkozy est passé dans plusieurs pays, et notamment en Libye, où il a remercié Kadhafi d'avoir fait libérer les infirmières bulgares. Alors, Nicolas Sarkozy va recevoir beaucoup de retours un peu salés après ce discours. Ainsi, Doudoudienne, comme de très nombreux intellectuels et politiques, va adresser une réponse cinglante à Sarkozy. Il la prononcera à la tribune de l'ONU, disant que « dire que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire est un stéréotype fondateur des discours racistes des 17e, 18e et 19e siècles ». Après coup, 48 ambassadeurs français ont été sondés. Et le résultat, c'est que ce discours a dégradé les relations de la France avec les pays africains. Et Guénaud, qui l'a rédigé, osera dire que c'est un texte qui a été mal compris. La vérité, c'est qu'il y avait deux messages dans le discours de Dakar. Le premier, c'était « pas de repentance ni d'excuses à espérer de la part de la France ». Et le deuxième, c'était « prenez-vous en main ». Ce qui est très paternaliste, c'est une insulte aussi intolérable quand on sait combien les intérêts français en Afrique font encore aujourd'hui obstacle à l'épanouissement des Africains et à leur autodétermination. Et puis quand on sait que l'histoire de l'humanité commence en Afrique, c'est d'une inculture crasse, on est presque gêné pour Sarkozy et Guénaud. Mais il ne faut pas l'être, parce qu'il savait exactement ce qu'il faisait. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a exigé que les étudiants devant lesquels il faisait cette intervention soient triés sur le volet. Darfour encore, au mois d'octobre, puisque le Darfour est une question politique instrumentalisée par des acteurs occidentaux qui supplient la France de s'ingérer. Et parmi eux, il y a un groupe d'humanitaires qui s'est organisé autour d'un illustre inconnu, Éric Bréteau. Ces gens se sont constitués en association l'Arche de Zoé. Ils sont financés par des partenaires privés et par des soutiens prestigieux pour ramener en France, aux États-Unis et au Canada 10 000 orphelins du Darfour. Ils vont sur les forums en ligne appâter les parents adoptifs, ils leur promettent une adoption rapide. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en France, au moins pour la France, les procédures d'adoption, ce sont des procédures qui sont interminables. Une fois lancées, les parents doivent demander un agrément, puis attendre parfois des années qu'un enfant leur soit proposé. Donc, l'Arche de Zoé vient exploiter leur malheur. Ensuite, pour justifier leur projet néo-colonial, ils portent un discours catastrophiste. Ils disent des choses comme « ces enfants sont en danger de mort, ils n'ont aucune chance de survivre, dans quelques mois ils seront morts ». Tout ça pour titiller la fibre du sauveur blanc chez les potentiels parents, les financeurs et puis les politiques. Ils mélangent émotion et urgence, ce qui est quand même un cocktail explosif. Arrivés au Tchad, ils vont en beaux colons traiter ces enfants et le Tchad comme un territoire vierge, puisque habituellement, les adoptions internationales sont encadrées par des conventions qui définissent quelles catégories d'enfants peuvent être adoptés et sous quelles conditions ils peuvent être adoptés par des parents d'autres nationalités. Il y a des conventions entre les pays. Ensuite, chaque pays a sa propre législation sur la filiation qui doit être prise en compte et respectée. En France, par exemple, les adoptions concernent les pupilles de l'État. Ailleurs, il va y avoir d'autres règles, mais toutes ces règles n'intéressent pas l'Arche de Zoé, car pour ces racistes, les lois n'existent pas dans le Sud. Donc ils affrètent un vol, et une fois sur place, ils ont beaucoup de mal à trouver des enfants. Alors ils vont recruter, avec quelques locaux véreux, 300 enfants dans la région d'Adré, de Bahaï, de Gosbeida et de Tiné, près de la frontière avec le Soudan. Sauf qu'au moment de décoller, heureusement, ils sont arrêtés et inculpés pour enlèvement d'enfants, puisque la plupart des enfants ont des parents, et l'État n'avait donné aucune autorisation. Donc ces Blancs se sont affranchis de toute règle, parce qu'ils considéraient que la noblesse de leur projet justifiait tout. Mais on peut aussi penser que Bernard Kouchner, qui, lors du meeting du 20 mars, appelait à pratiquer l'ingérence, lui qui est identifié comme quelqu'un qui s'est positionné contre l'ingérence, et lorsqu'il dit « nous devons nous ingérer », c'est une manière de dire que la situation est tellement grave qu'on peut ruser avec nos propres principes, eh bien, il peut aussi légitimement être pointé du doigt comme un responsable indirect de la forfaiture de l'Arche de Zoé. En tout cas, ces gens vont être finalement condamnés par la justice tchadienne à 8 ans de travail forcé et finiront enfermés à Fresnes. Par un timing extraordinaire, le musée sur l'histoire de l'immigration est inauguré au mois d'octobre, ce qui tombe quand même très mal puisqu'on est exactement à la période où Sarkozy exige des tests ADN sur les migrants et à la période où sa politique du chiffre crée des situations intenables pour les résidents étrangers. Donc ce sujet en octobre 2007, il est vraiment brûlant. Puis en novembre, Larami et Mohsin décèdent dans un pare-chocage. Et évidemment, tout le monde a l'impression de revivre ce qui est arrivé à Ziyad, Bouna et Mouitine. C'est une étape importante, la mort de ces deux jeunes garçons, parce que la répétition démontre une chose essentielle, qui est que les Noirs et Arabes, bien que subissant un racisme aux formes différentes, ont la même condition en France. Et ce discours-là, il est porté par le mouvement des indigènes de la République, et à l'époque, il n'existe pas en France. Il n'a été porté politiquement nulle part. Les Noirs forment des associations ou des collectifs, ils se mettent en réseau en fonction de leur sensibilité politique. Quant aux Maghrébins, on tente de s'organiser politiquement depuis plusieurs décennies. Et les deux mondes communiquent peu, mais ils communiquent. Or, dans les morts de Ziyad, Bouna, Larami, c'est incontestable et flagrant. C'est d'être noir et arabe et donc ennemi de la République qui a causé leur mort, puisqu'ils n'avaient commis aucun délit. C'étaient deux jeunes bien éduqués, très appréciés dans leur quartier. Il y a donc quelque chose de flagrant, d'incontestable. Les émeutes vont durer 2 jours. La situation est tellement tendue que le Premier ministre François Fillon et la ministre de l'Intérieur Michèle Alliou-Marie se rendent à Villiers-le-Bel. Puis les parents sont reçus par Sarkozy 4 jours après et une procédure pour homicide involontaire est ouverte. Il y a donc un juge d'instruction et c'est un geste symbolique qui donne aux familles le sentiment que leur douleur a été entendue. Mais ce n'est qu'une illusion, puisque, au final, le policier qui conduisait la voiture sera condamné à 6 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire en septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Pontoise. Enfin, en décembre, Sadri Khiari revient en détail sur cette idée de construire une organisation politique autonome anticolonialiste. C'est un échange autour de son livre « Pour une politique de la racaille » et il évoque l'actualité de l'anticolonialisme en cette année 2007. Il le fait aussi quelques mois avant les municipales où, on le sait, beaucoup des nôtres s'investissent dans des listes et lui dit qu'il préfère se focaliser sur la nécessité d'un mouvement politique autonome organisé de l'ensemble des populations qui sont soumises à l'indigénat. L'indigénat, c'est quoi? Il faut le comprendre comme des règles appliquées à des catégories de population qui les maintiennent dans une sous-citoyenneté et qui leur donnent un statut politique inférieur. C'est ce que certains appellent le français de papier. On a les papiers qui disent qu'on est français, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a une différence entre la manière dont on est traité et celle dont sont traités les Français de souche blanche. Et Sadri Khiari s'applique à démontrer comment la mobilisation de force autour du pacte républicain, c'est une contre-offensive coloniale en France. Chaque fois que la République est invoquée, cette République dont nous sommes exclus, c'est une manière de faire corps en tant que blanc. Et il explique que les quartiers populaires, c'est un endroit qui est très investi par cette contre-révolution, puisque dans les quartiers populaires, il y a cohabitation des descendants de colonisés et des classes populaires blanches que Sarkozy vient cajoler et à qui il redonne une légitimité raciale. Il vient flatter le fait que ce sont des blancs, donc comme ce sont des blancs, ils sont plus que les non-blancs avec qui ils vivent. Et cette contre-révolution coloniale, elle se manifeste aussi dans l'intervention américaine en Irak, dans l'explosion de l'islamophobie avec le pseudo-choc des civilisations, et donc politiquement, ça n'a pas de sens de s'organiser autour des quartiers. D'après lui, il faut plutôt s'auto-définir politiquement, car c'est aussi ça l'auto-détermination, c'est se définir. Ensuite, s'inscrire dans un rapport social. Quand on dit indigène de la République, on décrit un rapport social. Et ensuite, définir une lutte qui va s'inscrire dans un rapport de force politique réel et qui, du coup, tient compte de la manière dont le champ politique est organisé et est structuré. On ne va pas engager un rapport de force racial si on fait une union avec des blancs pauvres d'extrême gauche sans avoir discuté quelle est la différence de statut entre nous. En revanche, Sadri Khairi dit que les révoltes sont, de son point de vue, une expression de la puissance politique indigène, dans le sens où ces révoltes ont affaibli la domination raciale, et c'est d'ailleurs ces révoltes qui ont déclenché la contre-révolution coloniale. Enfin, il parle de l'autonomie, de notre autonomie politique, et de la manière dont elle se joue de façon contradictoire avec nos alliés, les anticolonialistes blancs, dans le sens où on a besoin, nous, de nous organiser nous-mêmes avant de construire des alliances. Et donc le paradoxe, c'est que cette autonomie politique, elle se réalise à l'intérieur d'un front anticolonialiste large, ce qui est complètement à l'opposé du séparatisme dont on est régulièrement accusé. Nous nous autodéterminons pour nous allier à égalité. Et tant qu'on n'a pas réussi cette étape, on est condamné à être réduit à l'état de mobilisation et à des frictions éternelles avec nos alliés potentiels. Et pour lui, tout le reste, le lobbying, l'intégrationnisme, changer le système de l'intérieur, tout ça, c'est inutile. Et que se passe-t-il du côté de l'antiracisme institutionnel ? Je vous ai raconté comment, fin 2006, quand l'annonce est faite de la conférence de revue de Durban, la LICRA met en place une commission. Donc pour ceux qui prendraient l'histoire en route, je vous résume rapidement de quoi il est question. En 2001, l'ONU organise une grande conférence mondiale contre le racisme en Afrique du Sud pour célébrer la fin de l'apartheid. De grands moyens sont déployés pour que la société civile des cinq continents puisse participer à cette conférence, participer à décrire le racisme dans toutes ses formes concrètes et réfléchir à un plan d'action appliqué par tous les États. Et dans toutes les régions du monde, les officiels d'un côté, les ONG de l'autre, ont participé activement à ce processus et tout le monde s'est retrouvé à Durban fin août 2001 avec d'un côté les officiels qui ont débattu jusqu'à tomber d'accord avec une déclaration finale et un plan d'action et puis un grand forum des ONG qui a travaillé à faire des propositions pour cette même déclaration. Et les nations blanches, Israël compris, se sont démenées pour discréditer cette manifestation qui a été une étape importante dans la reconnaissance de l'islamophobie comme racisme au niveau international, de la légitimité de la revendication de réparation pour les crimes coloniaux et l'esclavage, et enfin, dans la dénonciation du sionisme comme un racisme et d'Israël comme un État criminel. Et il y avait une véritable convergence de la société civile des cinq continents sur ces trois questions. Les nations blanches ont utilisé plusieurs tactiques pour discréditer cette manifestation. La première, c'est l'antisémitisme qui, selon elles, était délirant à l'événement. En réalité, il était résiduel. Ensuite, elles ont mis en avant des minorités oppressées par les pays arabes et musulmans. Et enfin, elles ont mis en concurrence des victimes du racisme avec d'autres minorités comme les homosexuels, les femmes, etc. Ça, c'est la stratégie de Durban. Et la France a développé cette stratégie conjointement avec des ONG qui se sont retrouvées à avoir une fonction paragouvernementale dans le sens où elles ont aidé un gouvernement à asseoir une stratégie. Et ces ONG, c'était Prochoix, la LICRA, UEJF, SOS Racisme et d'autres. Ça a été le moment fondateur de l'antiracisme institutionnel, où des organisations de défense des juifs contre l'antisémitisme se sont investies comme des victimes ultimes du racisme pour que l'État puisse les utiliser comme minorité modèle contre les Noirs et les Arabes en interne et en contexte international. Et en retour, l'État a accédé à toutes leurs demandes relatives à Israël, puisque le point commun de toutes ces ONG, c'est qu'elles soutiennent l'État d'Israël inconditionnellement. À l'automne 2001, deux mois après cette conférence, tous, c'est-à-dire les officiels français et les ONG, se retrouvent au Sénat pour faire le bilan de cette conférence. Puis, chacun, sur son terrain, a continué de développer cette stratégie de Durban qui consiste à voir de l'antisémitisme partout, amplifier ces manifestations réelles et multiplier les procès en antisémitisme, c'est ce que fait la LICRA. Utiliser les droits des femmes contre les victimes du racisme, c'est ce qu'a fait SOS avec Ni pute ni soumise. Idem avec les homosexuels, c'est ce qu'a fait Prochoix. Et empêcher la reconnaissance de l'islamophobie comme un racisme. Et de ce point de vue, tous ont été hyper actifs sur le terrain de la pseudo-liberté d'expression contre la reconnaissance de la diffamation des religions. Tous ont été les acteurs les plus actifs dans les campagnes salissant Tariq Ramadan, ainsi que pour faire des procès en islamisme aux militants non-blancs et des procès en islamo-gauchisme à leurs alliés. Et pendant que toutes ces ONG s'activent, eh bien, l'État n'a pas besoin de réprimer ces luttes, ce sont ces ONG qui s'en chargent. C'est vraiment le crime parfait. Et l'État, pendant ce temps-là, a créé plusieurs machins contre les discriminations qui n'ont aucune ambition de faire disparaître les discriminations structurelles, l'état d'exception, ni le racisme policier et judiciaire. Or, voilà que fin 2006, il est l'heure de rendre des comptes à la conférence de revue. Les officiels et les ONG sont censés se retrouver de nouveau en Afrique du Sud pour présenter ce qui a été mis en place. Et c'est le tout nouveau Conseil des droits de l'homme qui est chargé de piloter l'événement. Et ces ONG vont immédiatement se mettre en branle, avec à leur tête la LICRA, qui est totalement horrifiée par l'action de ce conseil et alerte. Un mauvais coup se prépare, dit-elle. Le lobby palestinien l'a noyé, et ce sont les groupes de pression arabo-musulmans et africains qui y font la pluie et le beau temps. Ce qui inquiète la LICRA, c'est la peur que la question de la Palestine soit de nouveau centrale à Durban 2, mais aussi qu'internationalement, l'islamophobie et dans une moindre mesure, les réparations soient validées. Parce que toute avancée au niveau international peut devenir contraignante pour les États. C'est pourquoi la LICRA crée cette commission spécialement pour préparer le sabotage de Durban 2. Parce que, dit le président de la LICRA, si on ne fait rien, ce sera un hold-up au préjudice de l'antiracisme, des droits de l'homme, etc. Puisque eux se positionnent en vrais antiracistes et en vrais défenseurs des droits de l'homme, alarmés par l'action du Conseil des droits de l'homme. Alors pourquoi ils sont alarmés par l'action du Conseil des droits de l'homme? C'est parce que pendant sa première session, il a régulièrement pris des décisions à l'encontre d'Israël et il a régulièrement condamné l'islamophobie. Donc s'ils organisent Durban 2, ça risque fort d'aller dans le même sens. Là, l'ICRA annonce qu'elle va régulièrement rendre compte de tout ce qui se passe dans la préparation de Durban 2 et elle commence par commander un rapport à Malka Markovic qui avait participé à Durban 1. Alors Malka Markovic, la rédactrice du rapport, c'est un personnage. Pour vous la décrire, si Jean Messia était une femme féministe, ce serait Malka Markovic. Elle est excentrique, elle est toujours outrancière, à la limite du délire, hein, véritablement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle rend son rapport au mois de mai 2007 et le rapport est intitulé sobrement « Nouveau Conseil des droits de l'homme, un laboratoire de la haine ». Donc elle dresse un portrait totalement délirant de Durban 1, avec de l'antisémitisme partout, des scènes de lynchage. Ensuite, pour elle, l'ONU est livrée à des promoteurs de haine. Et c'est elle qui avait initié la réunion de 2001 au Sénat, et elle dit que la conclusion de cette réunion, c'était que la démocratie participative, c'est un problème. Puisque leur ennemi principal à ces acteurs, ça a été la société civile à Durban. Le poids qui a été donné, les moyens qui ont été donnés à cette société civile, le pouvoir s'exprimer. Or, ce rapport que la LICRA commande, elle prévoit ensuite le présenter au gouvernement français. Et dedans, elle dit précisément ce qu'elle cible, de quoi elle parle quand elle parle de discours de haine, c'est l'incitation à la violence, la stigmatisation et la délégitimation systématique d'Israël, la condamnation de la laïcité et l'entrave à la liberté d'expression et l'oppression des femmes. La LICRA commence dans ce rapport par pointer du doigt les ONG qui ne condamnent pas ces trois points, et en particulier les ONG droits de l'hommistes ou antiracistes, parce qu'ils espèrent comme ça les exclure du processus de Durban 2. Ensuite, ils ne veulent pas de la démocratie participative des instances de l'ONU parce qu'ils ont constaté que c'est de là que viennent les revendications les plus radicales, les plus violentes et ce qu'ils appellent les plus régressives en termes de droits, plus régressives encore que ne le feraient publiquement des gouvernements très réactionnaires. Sachant qu'à l'ONU, il y a différents processus pour que les ONG participent aux instances. Certaines sont accréditées sur une longue période ou le temps d'un événement. D'autres obtiennent un statut consultatif. Or, c'est un engagement qui a beaucoup de sens parce que les ONG peuvent produire des rapports et ces rapports ont souvent un poids important et apparaissent dans les conclusions des comités en charge du suivi de ces textes. Et on peut imaginer qu'en commandant ce rapport, la LICRA a cette ambition. Je vous avais raconté comment la Commission des droits de l'homme a été remplacée par un conseil parce qu'ils avaient l'espoir de filtrer les pays et pour ne garder que ceux qui étaient sur la même ligne politique que les nations blanches, et ils ont notamment imposé que seuls les pays démocratiques y aient accès. Et c'est très difficile à définir la démocratie, donc ça n'a marché ni au Conseil des droits de l'homme, ni au Conseil de sécurité. Alors la LICRA, par la voix de Madame Markovic, pointe les règles non démocratiques dans ce conseil. Elle dit « Le fait que tout le monde soit à égalité, c'est non démocratique. Pourquoi ? Parce que les nations blanches se retrouvent minoritaires, face à des alliances de type Mouvement des non-alignés ou G77. Ainsi, quand la conférence des organisations islamiques vote une résolution sur l'islamophobie, ils reçoivent le soutien de la Chine et Cuba, donc ils disent « ces pays ne sont pas démocratiques ». Il y a aussi un système de regroupements régionaux qui a été instauré dans les années 60 et Malka Markovic dénonce le fait qu'Israël soit exclu de ce cadre et donc n'ait pas la possibilité d'organiser ce type de conférence. Pour elle, c'est une discrimination qui s'ajoute à la diabolisation du pays. Il y a un autre élément qui inquiète la LICRA, c'est que certains pays occidentaux se démarquent de ce qui est de plus en plus vu comme une collusion entre Israël en tant qu'État colonial et les pays occidentaux, anciens pays coloniaux, et eux veulent vraiment se distancier de ça parce qu'ils cherchent à améliorer leurs relations avec les pays émergents. Malka Markovic est aussi effarée de voir que le peuple palestinien est reconnu par plusieurs instances de l'ONU. Il y a même une journée de commémoration internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et, alors parce qu'ils ne connaissent pas la honte, la LICRA dénonce le harcèlement dont est victime Israël. Ils disent « Pour la seule année 2006, l'ambassadeur de Palestine a envoyé 52 lettres de protestation contre Israël au secrétaire général et au Conseil de sécurité. » Et il voit qu'Israël est en tête des résolutions de condamnation de 2006, juste avant le Congo, Kinshasa et le Soudan. Et donc, elle développe tout un chapitre sur ce qu'elle appelle le langage de haine dans le discours sur Israël. Chaque fois qu'il est évoqué la puissance coloniale, ou qu'il y a une référence à l'Holocauste, au génocide, à des massacres, à de l'épuration ethnique. Et là, comprenez bien que je suis en train de vous restituer le contenu d'un rapport publié par la LICRA sur une action qu'elle considère essentielle. Or, la LICRA est une instance qui est censée lutter contre le racisme en France, faire de l'éducation au vivre ensemble dans les écoles. À quel moment est-ce qu'on arrive à être dans un rapport principalement préoccupé par Israël et les discriminations qu'Israël vivrait à l'ONU, puisque, nous dit la LICRA, Israël est victime d'un discours de haine lorsqu'on dit que le sionisme est un racisme, lorsqu'on dit que c'est un État raciste, qu'il y a l'apartheid institutionnalisé, l'épuration ethnique, le boycott d'Israël. Donc l'antiracisme de la LICRA vient défendre Israël victime de racisme par les méchants arabes ou musulmans et africains. Ça prêterait à rire si ce n'était pas aussi grave. Mais Israël est véritablement le sujet principal de ce rapport, les attaques que subit l'État. Et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, Doudou Diène, est particulièrement ciblé dans ce rapport. Parce que Doudou Diène, il a dénoncé la discrimination de l'État juif envers les non-juifs et qui fait de cette catégorie de citoyens des citoyens de deuxième classe. Elle s'en prend aussi à l'Algérie qui régulièrement prend position à l'ONU, par exemple en déposant un projet de résolution sur la violation par Israël des droits religieux et culturels dans Jérusalem-Est occupée. Et ça, nous dit la LICRA, c'est un signe de la montée de l'islam politique. Plus choquant pour elle, le discours sur l'apartheid, et elle est allée lister toutes les ONG qui ont signé l'appel de Dugard pour demander à ce que la Cour internationale de justice soit saisie sur cette question. Et l'OMRAP fait partie de ces organisations et elle espère, en les listant, les éjecter du processus de Durban 2. Certains accusent Israël de terrorisme d'État, c'est le cas de la Syrie, du Venezuela, du Pakistan, de l'Iran, du Liban, de la Libye, et on peut penser que c'est pour contrecarrer ces attaques que les soutiens d'Israël se sont passionnés pour les actes terroristes commis au nom de l'islam. Ça leur permet de dire que le terrorisme est du côté des musulmans et pas du côté de l'État d'Israël. Ensuite, ils chassent toute analogie entre ce qui se passe en Palestine et l'Holocauste, sacralisé, et Doudou Diène l'a fait. Il l'a fait en 2002 et en 2007 en disant que l'antisémitisme est surtout ancré dans la culture et l'histoire du continent américain et qu'il est lié à la montée des mouvements d'extrême droite. Et pour toutes ces organisations comme la LICRA, c'est insupportable. C'est une manière de minimiser l'antisémitisme des antisionistes et celui d'Ahmadinejad en particulier. Et il cible aussi Doudou Diène parce que Doudou Diène est très actif sur le terrain de la dénonciation des actes de racisme envers les Arabes et les musulmans depuis 2001. Il n'est pas le seul. Sous la présidence de la Libye à la Commission des droits de l'homme, de nombreuses initiatives sont allées dans ce sens. Le discours sur le choc des civilisations a été régulièrement dénoncé. La politique française d'interdiction du voile et la burqa aussi. Doudou Diène a aussi regretté que la laïcité en France ait mené à la suspicion de la croyance religieuse et qu'en France règne une approche dogmatique où le racisme est instrumentalisé politiquement et électoralement. Et à part Doudou Diène, l'Iran est le plus mobilisé dans ses instances pour dénoncer l'islamophobie ou la diffamation des religions en France. Doudou Diène, lui, a déclaré aussi que le débat sur le voile islamique est révélateur d'une cristallisation politique, idéologique, voire civilisationnelle de l'islamophobie. Or, la France se distingue très régulièrement sur ce sujet. Donc, On peut même imaginer que les nominations de ministres non blancs par Sarkozy visaient aussi à donner dans ces instances à la France un visage en apparence favorable aux minorités, parce que en 2007, qui est-ce qui vient représenter la France? C'est Azouz Begag qui vient affirmer au Conseil des droits de l'homme que la discrimination raciale et religieuse, ça n'a rien à voir, et que la France est fière de sa diversité et de son ouverture à toutes les cultures. En tout cas, sachant tout ça de l'activité du Conseil des droits de l'homme, de cet état des rapports de force défavorables pour l'instant à la France, aux États-Unis et à Israël, la LICRA, par la voix de Malka Markovitch, alerte sur Durban 2, puisqu'elle dit « la majorité des résolutions votées par le Conseil des droits de l'homme condamnent Israël et que les deux autres portent sur l'incitation à la haine raciale et religieuse et sur la diffamation des religions », que ce conseil a aussi demandé un rapport sur l'impact négatif sur les populations de l'embargo commercial imposé par les États-Unis sur Cuba, et que plus généralement les démocraties occidentales ont perdu en force face à des alliances chaque jour plus nombreuses et plus fortes, il faut que la France se mobilise. Donc cette conférence de Durban 2, les États-Unis et Israël ont voté contre. La France et les pays de l'Union européenne ont voté pour, dans le sens où ils avaient la garantie qu'il n'y aurait aucune nouvelle négociation. Ce sont les textes de 2001 qui vont être, dont l'application va être analysée. Rien ne sera ajouté aux déclarations. Mais la LICRA a très peur. Elle dit « il y a la Syrie, l'Iran, l'Égypte, le Pakistan, l'Algérie qui dénoncent le racisme institutionnalisé en Israël ». Et pour eux, l'Europe a été naïve en acceptant cette conférence de revue, même si ils comprennent quand même que c'était des motifs économiques et stratégiques qui ont poussé l'Union européenne à ne pas boycotter. Le rapport de Malka Markovitch pour la LICRA sort en mai 2007, et dès mai 2007, la LICRA rencontre des conseillers officiels en charge de ces questions auprès de la présidence de la République. Et ils disent « nous avions alors tracé les lignes rouges au-delà desquelles les démocraties ne pouvaient aller sauf à y perdre leur âme et » pendant les deux ans qui restent, puisque cette conférence de revue a lieu en 2009, ils ont régulièrement, la LICRA, partagé leurs inquiétudes avec la France, qui en plus à l'époque présidait l'Union européenne, et c'était une manière de faire passer le message aux autres pays européens. Ils sont donc, la LICRA, évidemment présents le fin août, à Genève, lorsque la première réunion de préparation de la conférence a lieu. Tous les débats sont également suivis par ICAR, souvenez-vous, qui est l'agence de presse pro-Israël. Un des gros enjeux de cette séance de préparation, c'est de définir quelles sont les ONG qui pourront participer. Mais alors, une anecdote qui va être à l'image de ce que sera Durban 2, c'est que la date de cette réunion de préparation à Genève, elle a été changée au dernier moment. Ce qui veut dire que ceux qui ont pu se présenter à Genève, évidemment, ce n'étaient que les associations qui avaient une représentation en Suisse, ou au moins en Europe. Et c'est comme ça qu'on fait un tri. Donc, les ONG qui ont le droit de participer à Durban 2, il y a celles qui ont un statut éco-soc, il y a aussi celles qui participent pour la première fois, mais pour participer, elles doivent remplir un questionnaire détaillé, et puis il y a les ONG qui avaient été accréditées à Durban. Elles ont droit de participer, sauf si un État membre s'y oppose. Et pour la France, du coup, ça va être un rôle très important, puisque ces deux alliés, les États-Unis et Israël, boycottent le processus. Donc la mission de la France, ça va être de neutraliser l'intérieur et par exemple en s'opposant à la participation d'ONG pro-palestiniennes. Pendant cette réunion, le lieu de la conférence est censé être choisi, sachant qu'en début d'année, le président sud-africain Thabo Mbeki avait proposé de l'accueillir pour montrer l'intérêt qu'il portait à cette conférence, mais ça semble déjà verrouillé. L'Union européenne et les USA ont procédé à un chantage pour obtenir que ça se passe à Genève plutôt qu'à Durban, parce qu'on imagine bien que tout le monde ne pourra pas entrer à Genève. Ensuite, les participants définissent les objectifs de cette conférence de revue, qui est évidemment de ratifier et mettre en œuvre une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sachant que dès lors qu'une convention existe et qu'elle est ratifiée par un pays, s'il la viole, il est possible de le poursuivre. C'est aussi d'examiner les progrès qui ont été faits, de juger comment la déclaration et le programme d'action de 2001 ont été mis en œuvre, et puis d'évaluer l'efficacité des mécanismes de suivi de Durban. Il y a donc un questionnaire qui a été remis aux 192 États membres qui demande l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Durban et du programme d'action dans le pays, qui demande « Pouvez-vous faire une évaluation du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui est associée, ainsi que des initiatives prises contre ces problèmes afin de les éliminer dans votre pays ?» qui demande également d'identifier les mesures et initiatives concrètes pour combattre et éliminer toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d'intolérance, pour faciliter la mise en œuvre de la déclaration et du programme. Et enfin, il demande comment le gouvernement évaluerait l'efficacité des mécanismes de suivi en matière de racisme et comment améliorer ces mécanismes. Il demande aussi quelles sont les démarches qui ont été entamées par le pays pour ratifier ou mettre en œuvre la convention sur l'élimination du racisme, et puis il demande aussi quelques bonnes pratiques réalisées dans le combat contre le racisme. Tout ça paraît très général. Imaginons une ONG française qui s'impliquerait pour répondre à toutes ces questions de manière détaillée et décrire le fonctionnement du racisme en France, sa mécanique, et qui pourrait le faire et ainsi démontrer l'hypocrisie de la France et la vacuité de ses politiques. Ce serait pas sans intérêt. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous n'avons pas entendu parler de ces processus, parce que, encore une fois, ils sont accaparés par des ONG paragouvernementales.